Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 5. Tu l'ignores peut-être, mais nous t'embarquons maintenant dans un voyage étrange au cœur d'un monde intergalactique et foutraque. Bienvenue à bord de ce vaisseau spatio-temporel. La machine est prête et le cadran interstellaire nous indique dimanche 9 octobre 2005, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es clair de lune, tu es sans sommeil, tu es noctambule, tu es nyctalope et tu es aussi tous les chats sont gris. Oui, tu l'auras compris, cette semaine nous errons au cœur de tes nuits blanches. Dans l'imaginaire populaire, la nuit fait peur, la nuit est sombre, elle est étrange, c'est l'heure où le loup rôde. La nuit est porteuse de fantasmes en tout genre. Mais la nuit est aussi pleine de surprises et quand elle est blanche, elle est parfois pleine de plaisir, comme à Paris la semaine dernière. Alors va savoir, est-ce que tes nuits blanches peuvent être plus belles que le jour? Eh bien, de la nuit des morts vivants au bal des vampires, de Christian Ranucci à Juliette Gréco, de la Saint-Barthélemy aux fêtes les plus folles, des mille et une nuits aux veilleurs de nuit, nous allons, dans l'heure qui vient, te raconter une histoire illustrée, mais décalée, celle de tes nuits blanches. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques et les actualités de la semaine. On est dimanche matin, qu'est-ce qu'on est bien, le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et trémousse-toi. Mama. Heart of Glass, Blondie, dans l'album Parallel Lines, des lignes parallèles pour un tube au cœur de la nuit de l'année 1978. Alors, c'est quoi la nuit ? Eh bien, la nuit, c'est le moment du jour où le soleil se trouve sous l'horizon. La nuit, pour la plupart des humains, c'est le temps du sommeil, du dodo, des portes closes et des volets fermés. Longtemps, la nuit a été le temps des peurs et des craintes, domaine des loups, des loups-garous et des brigands. La nuit urbaine a changé de nature au XIXe siècle avec l'éclairage des rues au gaz. Avec la lumière artificielle, la nuit devient un nouveau lieu de vie, celui des bals et des fêtes, des patachons et des noctambules. La nuit, qui inspirait crainte et méfiance, devient dès lors fascinante et ouverte. La nuit blanche, la nuit sans sommeil, est alors plaisir. Les nuits blanches collectives sont fréquemment des moments festifs et correspondent le plus souvent à des dates précises. Le Nouvel An est la nuit blanche récurrente, la plus partagée au monde, même si parfois elle est teintée de l'angoisse de la fin du monde. Bonne année, pas de boc, pas trop de casse et pour l'instant toujours pas d'apocalypse. Le passage à l'an 2000 s'est déroulé dans l'allégresse et sans perturbation majeure. Des fêtes partout dans le monde, 1,5 million de spectateurs à Paris pour l'embrasement magique de la Tour Eiffel, mais aussi des bébés et des mariages cette nuit. En France métropolitaine, la première à avoir vu le jour à minuit pile, c'est Clémence, premier bébé de l'an 2000 dans l'Hexagone. Enfin, les trains roulent, les avions volent et le téléphone marche presque pour tout le monde. Le cyberchaos tant attendu n'a pas eu lieu, rien à signaler pour l'instant sur le front du bug informatique. France Inter. Alors c'est clair, le bug, on ne l'a jamais trouvé. La nuit, habituellement, tu dors. Mais parfois, l'actualité brûlante fait que tu restes éveillé, les yeux ouverts, sur ta télé ou ton poste de radio collé à l'oreille. Certaines nuits ont été des moments magiques pour des millions de personnes. Souviens-toi par exemple de ta nuit blanche en juillet 1969. Ta télé est allumée depuis la veille au soir car à 21h30, à 21h17, le module lunaire Eagle de la mission Apollo 11 s'est posé sur la Lune. Tu attends la nuit entière qu'il se passe quelque chose quand soudain, à 3h56 du matin, le 21 juillet 1969. Quelques heures après que l'Aigle se soit posé sur la Lune, ces deux passagers sont prêts à accomplir le pas le plus important que l'homme ait jamais fait. D'abord Neil Armstrong, puis son compagnon Buzz Aldrin. Sur Terre, des millions de téléspectateurs sont les témoins de cet événement. Puis ce sont les premiers mots de Neil Armstrong depuis la Lune. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Neil Armstrong est alors regardé par des millions de téléspectateurs à travers le monde, une nuit blanche collective gravée dans les mémoires. D'autres nuits blanches font partie aujourd'hui du patrimoine mondial de notre mémoire collective. Ainsi, dans la nuit du 30 au 31 octobre 1974, à 3h du matin, commençait dans la jungle un combat de boxe sans merci, Ali contre Foreman. Ali boumaillé, Ali tue-le, ça fout la trouille, scande des milliers de Zaïrois présents au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Le combat a lieu en pleine nuit, à 3h du matin, afin de faciliter la retransmission à une heure de grande écoute aux States. Cassius Clay, alias Muhammad Ali, devenu champion du monde des poids lourds en 1964, se voit retirer en 67 sa ceinture de champion du monde. Le King a refusé de servir l'armée américaine engagée au Vietnam. Muhammad Ali avait alors déclaré qu'il n'avait rien contre le Viet Cong et qu'aucun Vietnamien ne l'avait jamais traité de nègre. Le combat contre Foreman en 1974 à Kinshasa lui permet de redevenir champion du monde, nuit blanche sur le continent noir. Mais si certaines nuits blanches sont magiques, il en est d'autres bien plus sinistres. De la nuit de la Saint-Barthélemy à la nuit des longs couteaux, de la nuit du préfet Papon le 17 octobre 1961 à la nuit de cristal le 9 novembre 1938, oui, parfois la nuit blanche est propice au massacre et à l'horreur. Il y avait moi, c'est-à-dire Alex, et mes trois droguises, c'est-à-dire Pete, Georgie et Jim. Nous étions installés au Korova Milk Bar à nous creuser le rasoudoc pour savoir où passer la soirée. Au Korova, on sert du lait plus. Lait plus Vélocette, ou Saint-Émesque, ou Drinkron. Nous, on en était au Drinkron. Ça vous affûte l'esprit et ça vous met en train pour une bonne petite fête d'ultra-violence. La nuit et donc parfois l'occasion d'une bonne petite fête d'ultra-violence. La nuit n'est alors ni blanche, ni orange, elle est rouge, rouge sang, comme cette nuit du 28 juillet 1976. 4h13 ce matin à la prison des Baumettes de Marseille, Christian Ranucci a été guillotiné, il avait 22 ans. C'est la première exécution capitale en France depuis l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing. Cette nuit du 28 juillet 1976, un jeune homme de 22 ans fut coupé vivant en deux morceaux de taille inégale. Président Giscard avait le droit de grâce et avait surtout affirmé sa profonde aversion pour la peine de mort. Pourtant, sous sa présidence, trois exécutions capitales ont eu lieu. Giscard n'a pas aboli la peine de mort, mais d'autres l'ont fait. Le 17 septembre 1980, Robert Badinter se trouve à la tribune de l'Assemblée nationale. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube sous le dais noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Le 9 octobre 1981, la peine de mort est abolie en France. C'est la fin de nuit d'angoisse pour les condamnés. Aujourd'hui, l'instruction n'a toujours pas résolu les mystères de l'affaire Ranucci. Le pull-over rouge qui a conduit les chiens policiers au corps de la victime n'appartenait pas à Ranucci. Et surtout, les policiers n'ont jamais retrouvé l'homme au pull-over rouge qui a abordé des enfants juste avant l'enlèvement. En 2004, Giscard déclarait dans Le Monde 2 ne pas regretter l'exécution de Ranucci. Alors, elles sont comment les nuits pour celui qui disait avoir une profonde aversion pour la peine de mort? La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Subsiste encore ton écho. La nuit est donc propice au massacre et aux crimes discrets. Les ténèbres cachent la honte et facilitent la surprise. Au début de l'année 1991, le monde entier est sur les dents. Tous attendent l'événement tant prévu. C'est en pleine nuit, à 3h du matin, le 17 janvier 1991, que l'opération Tempête du désert s'abat sur l'Irak. La première guerre du Golfe est déclenchée. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux, de mon image je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Nous avons vu l'apparition du moteur forme à explosion, puis de l'avion à réaction. Mais de toutes les inventions, c'est sans doute la bombe à neutron qui nous laissa le plus baba au cours du célèbre Hiroshima. Mais 1990 devrait nous laisser tous pantois, devrait nous laisser tous gaga. Dirigé par ordinateur, Sony, Fuji et Macintosh, se culbute dans les airs le rush. La guerre technologique fait rage, c'est un super média carnage. Attention, voilà les avions qui tirent, c'est l'heure de l'émission. 1990, c'est l'heure de la médiatisation. 1990, c'est l'heure de la conscientisation. Américains qui sont là-bas, bronzés à la vitamine D, nourris aux fibres équilibrées. Les morts qui seront faits là-bas seront en bonne santé, je crois. Les impôts du contribuable n'ont pas été payés en vain. La preuve en est, il est possible de ne jamais rater sa cible. Si on connaît le vidéo, si on se pratique le coco, bientôt disponible, bientôt, qu'on est Irak en Nintendo. 90, c'est la démocratisation. J'en étais à ces réflexions quand tout à coup je me sens con, assis par terre dans le salon. Je ne fous rien, je suis un con. Heureusement que ma copine a soudain l'idée de génie de me toucher le porte-avions. Vite fait, je lui sors mon canon. Ça va chauffer, oui, mon amour. Je crois que mon radar à ion remonte la sortie de secours. Je vais larguer mes bombes, attention. En 1990, j'ai mis ma participation. En 1990, j'étais dans la coalition. Hier soir, DJ a sauvé mon âme avec cette chanson. 1990, un tube facétieux du Québécois Jean Leloup. Une chanson qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Alors, pour continuer notre voyage au cœur de ta nuit, après avoir évoqué quelques grandes nuits blanches, nous pouvons maintenant nous intéresser à tes nuits blanches, celles que tu peux vivre tous les jours. Oui, parce qu'il n'est pas forcément nécessaire qu'une nuit blanche entre dans l'histoire pour être un moment à part. Une nuit blanche peut être banale et magique à la fois. Tiens, par exemple, il arrive régulièrement que tu invites des amis chez toi et que parfois la soirée se prolonge tard dans la nuit. Le temps est alors suspendu, on est bien, on boit du vin souvent, on écoute de la musique un peu fort et on disserte. Mais c'est bien connu, dans ces moments-là, il y a toujours un con pour venir se plaindre et menacer d'appeler les flics. Jamais il a entendu son concerto aussi bien joué. Gervase de Brumeur. Un clarinettiste comme jamais il avait osé en espérer un. Tiens, vous signaler qu'il est 3h du matin et que je me lève à 5h pour aller au hall. Alors vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics. Toi, tu vas taire ta gueule et écouter Mozart avec nous. Concerto pour clarinette. Oui, mais moi j'en ai rien à branler de la musique. Moi, ce que j'aime, c'est le silence. Gervase de Brumeur, meilleur clarinettiste du monde. Alors assieds-toi, ferme ta gueule et ouvre tes oreilles. Mais enfin, puisque je vous dis que ce que je veux, moi, c'est dormir, c'est tout simplement dormir. Je suis fatigué. Je suis un petit commerçant fatigué. Bouffé par les grandes surfaces, pourchassé par les whisky, j'ai le fisc au cul, j'ai l'URSSAF au cul, j'ai la caisse de retraite au cul, j'ai la France entière au cul. Et je peux même pas dormir à cause de votre musique. Alors moi, j'en ai rien à foutre de votre Mozart, mais je le connais pas ce mec-là, je l'emmerde. Ou alors qu'il me prête du pognon pour payer mes traites. Laisse Mozart tranquille parce que c'est mon pote, hein. Lui aussi, il en avait des dettes. Sur la fin de sa vie, il avait même pas de quoi s'acheter du bois pour chauffer le cul. Et il composait quand même, alors. Il vendait pas des légumes, lui. Mais alors, qu'est-ce que vous avez contre les légumes? C'est un crime de vendre des légumes. Vous en mangez pas, des légumes. On préfère la viande. Tu veux boire un coup? Non, non, merci, non, non. Comment ça, non, merci? Tu vas peut-être essayer de nous faire croire que t'es pas picoleur. Y'a qu'à regarder ta tronche, une vraie réclame pour Casanis. Ferme les yeux, bois et écoute Mozart. Je sommeille, je vous assure que je sommeille. Ben viens, Lille, installe-toi, t'as qu'à dormir là. On te laisse lui partir maintenant, on peut plus te passer de tour. T'avais qu'à pas monter. Oui. Voilà. Comme ça, la prochaine fois que ton voisin se pointe pour se plaindre, tu le séquestres, tu le menaces et tu l'empêches, cet imbécile, de redescendre chez lui. Cela dit, un voisin psychorigide n'est pas le seul à pouvoir venir comme ça gâcher ta nuit. Les angoisses d'une rupture amoureuse sont également source d'insomnie. Tu viens de quitter Nicolas, par exemple, et toi, Cécilia, un peu perdue, tu ne trouves pas le sommeil. Tu te relèves, tu mates la télé, tu fumes des cigarettes, il est tard. Quand, tout à coup, au cœur de la nuit, le téléphone sonne. Posez votre question. Tu te précipites, tu crois que c'est Richard, ton nouveau compagnon. Eh ben non, c'est encore Nicolas. Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu le sais bien, et je suis déjà pas un saint. Et c'est ainsi que Nicolas, qui n'est pas un saint, s'est pris la tête toute la nuit de mardi. Résultat, mercredi matin, migré 2, Nicolas n'a pas pu se rendre au Conseil des ministres. Enfin, cela dit, à 11h30 ce mercredi, il a tout de même reçu au ministère Brigitte Bardot pour discuter ensemble de l'abattage rituel des animaux pour les fêtes musulmanes. Question de sécurité nationale, sans doute. Mais bon, heureusement, l'amour provoque également d'autres styles d'insomnie beaucoup plus agréables. Le début d'une relation est souvent ponctué par des nuits blanches torrides et sensuelles. On ne recherche pas le sommeil, mais le plaisir du sexe jusqu'au bout de la nuit. Oui, en général, la découverte des corps et des odeurs contrarie considérablement l'assoupissement. Il est vrai qu'au début d'une relation, la routine ne s'est pas encore installée. Alors ok, on ne partage pas le quotidien. Alors, avant de sentir sa peau contre la tienne, il a bien fallu la séduire, la gazelle. Eh bien, tu n'es pas sans l'ignorer, la nuit est également propice aux rencontres. Parce qu'une nuit blanche, c'est aussi le moment incroyable des fêtes les plus folles. Les noctambules parcourent la ville jusqu'à l'aube à la recherche des dance floors, de la drague et du plaisir. Entre les 40 ans de Gérard, hier soir au Macumba, et les fêtes déguisées du mythique palace, on y retrouve une même réalité. La nuit est chaude. Inspirés par ces nuits sauvages, certains ont eu l'idée d'organiser des fêtes géantes, de rendre les nuits encore plus belles pour ces otages. Souviens-toi, c'était samedi dernier. Paris ouvert aux noctambules pour cette quatrième édition de la Nuit Blanche. Jusqu'à l'aube, des flâneries organisées autour d'événements de danse, de musique, d'art contemporain. Une fête décalée populaire avec des bus, des vélos, des métros gratuits jusqu'au petit jour. Énorme succès pour cette fête décalée et populaire. Jusqu'au petit matin, 1 300 000 personnes se sont accaparées la Nuit Blanche de Paris. Pour sa quatrième édition, la Ville Lumière a fait le plein de noctambules. Seule fausse note, la piscine de Reuilly. Ouverte toute la nuit, agrémentée de musique électronique, elle est malheureusement restée quasi déserte. Pourquoi ? Maillot de bain et bonnet obligatoire, disait un vigile à l'entrée. Et oui, toujours un con pour gâcher la nuit. Alors, pour compléter notre regard sur le monde de la Nuit Blanche, nous avons joint cette semaine au téléphone une femme hors du commun, une muse légendaire de Saint-Germain-des-Prés, Juliette Gréco. Pour commencer, nous avons demandé à Juliette Gréco si elle aimait vivre la nuit. Réponse, juste après le jingle. Une très très très très longue partie de ma vie s'est passée plus la nuit que le jour. J'étais un oiseau de nuit pendant très très très très longtemps. Quand vous entendez l'expression « nuit blanche », oui. Qu'est-ce que ça vous évoque tout de suite ? Je vois une pleine lune. Je vois une couleur, une lumière lunaire. Pour moi, la nuit, c'est ou un moment de réflexion, ou un moment d'échange important. Une nuit blanche, c'est une nuit pleine, c'est une nuit plus forte qu'un jour. La nuit est porteuse de rêves éveillés. La nuit est porteuse d'événements étranges. La nuit est porteuse de surprises. Oui, sans aucun doute, la nuit est porteuse de surprises. Alors, visiblement, vous aimez et vous avez beaucoup aimé la nuit, Juliette Gréco. Et on sait d'ailleurs que vous avez longtemps fréquenté un lieu nocturne légendaire à Saint-Germain-des-Prés qui s'appelait le Tabou. Est-ce que vous pourriez, Juliette, nous raconter ce qu'était le Tabou ? C'était un endroit qui, pendant l'occupation allemande, était une sorte de striptease crade. c'était le genre culotte bateau, quoi. Voilà, c'était un peu des striptease un peu moches, quoi, un peu tristounet. Moi, j'habitais quai des Grands Augustins et j'avais repéré cet endroit improbable. Il y avait une espèce de petit café en haut où on se réunissait tout le temps. Puis un jour, c'était l'hiver, mon manteau est tombé dans un escalier intérieur. Je l'ai mis sur la rambarde de l'escalier. Puis mon manteau est tombé, je suis descendu et j'ai trouvé, en essayant d'allumer la lumière pour retrouver mon manteau, j'ai vu cet endroit. Et je suis remonté comme si j'avais trouvé la caverne d'Ali Baba, en disant à tous les copains, ben voilà, il y a un endroit formidable en bas, on pourrait se réunir, c'est plus grand, c'est agréable. Et puis c'est parti comme ça. Et puis les nuits du tabou sont arrivées. Cette espèce de stupide histoire de soi-disant existentialiste avec des cheveux sales et des vêtements noirs a commencé à courir partout. Alors nous étions relativement propres, et le noir a toujours été une couleur assez jolie, je trouve. Tout à fait. mais tout Paris s'est déplacé, on est toutes les duchesses dans les escaliers. qui descendait voir les fauves. Mais justement, c'était qui ces fauves? Qui pouvait-on croiser au tabou la nuit au début des années 50? On croisait toute la NRF, c'était le quartier. On croisait les écrivains, on croisait les musiciens à cause de Boris Vian qui jouait de la trompinette avec son frère à la batterie et des copains, parce qu'on avait, on avait dragué tout ce qu'on aimait. Puis tout à coup est arrivé le Tout Paris, dont Christian Bérard, tout ce que la mode compte de couturiers prestigieux à cette époque-là, tout ce que les arts, les lettres comptent. Voilà. Donc c'est devenu un endroit super à la mode, extraordinairement à la mode. Et moi, je passais mon temps à jeter les gens à la porte. En disant, vous avez une sale gueule, vous n'entrerez pas. Je vous défends d'entrer. Que j'étais absolument infernale. C'était Juliette Gréco pour Panique à Mangin-Palace. Get It Down, Mark Bolan et T-Rex restent numéro 1 en Angleterre 6 semaines consécutives et le Camden Town à East End de Canary Street à Piccadilly, T-Rex accompagne plus d'une nuit blanche à London en 1971. Pour poursuivre notre exploration des nuits blanches, nous allons maintenant nous arrêter sur quelques nuits blanches dans l'actualité de la semaine qui se termine ce soir. La première Nuit Blanche à relever est sans aucun doute celle de Bernard Tapie, l'incroyable nanar qui a remporté le pactole. La cour d'appel de Paris a condamné l'État à verser 135 millions d'euros à Bernard Tapie floué par le Crédit Lyonnais lors de la vente d'Adidas. 135 millions d'euros, la plus grosse somme accordée par la justice française. Tapie, tout content, il a dû passer une sacrée nuit parce que quand tu viens de remporter l'euro-million, tu peux facilement réussir ta nuit, de quoi ressortir un vieux tube. Réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es géant. Réussir sa vie, c'est traverser un océan sans savoir pourquoi ni pour qui, à l'aventure tout simplement. C'est énorme. Mais bon, c'est qui paie ? Eh ben, c'est nous. Les amateurs à la tête du Crédit Lyonnais nous ont déjà coûté 20 milliards d'euros pour rattraper leurs conneries diverses. Aujourd'hui, les contribuables, nous donc, allons devoir renflouer les comptes d'un Bernard Tapie qui finalement est meilleur comédien comme d'affaires. Au théâtre, Tapie, il nuit à personne. La justice avait envoyé Bernard Tapie en prison. Aujourd'hui, elle le fait Crésus. Autre nuit particulière dans l'actualité, elle aussi liée à la justice, la nuit de Lucien Léger. Après plus de 41 ans de détention, Lucien Léger, à 68 ans, était le plus ancien prisonnier de France. Dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit un quart précisément, Lucien Léger est sorti de prison. Une première nuit de liberté après 41 ans de tôle, ça a dû drôlement griser le grisonnant. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Léger est sorti de prison quand d'autres restent étonnamment en liberté. En effet, une autre nuit particulière de la semaine passée n'est ni noire, ni blanche, mais bleue. Une jolie nuit bleue, comme seuls les nationalistes corses savent nous en offrir. Une roquette, tout simplement, a atteint le bâtiment du Conseil général de Corse, juste à côté de la préfecture. Douce nuit, blanche nuit, on a le cœur bien heureux. Le symbole est fort mais nécessaire. Hein. Une roquette lancée de temps en temps contre un symbole de l'État permet de se redonner des airs de nationaliste et de faire oublier les dérives mafieuses. Nationaliste, c'est plus classe que délinquant ou terroriste, non ? Si nous continuons notre observation des nuits particulières de la semaine, il faut nous arrêter sur d'autres nuits dramatiques. Depuis plusieurs semaines, la nuit, des milliers d'hommes tentent de passer illégalement la seule frontière terrestre entre un pays européen et l'Afrique. À Ceuta et Melilla, au nord du Maroc, les candidats à l'immigration risquent leur vie, la nuit, tout simplement pour chercher une vie meilleure. Quelquefois j'ai envie de crier à la nuit, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Des hommes sont tués par balles ou piétinés en essayant de franchir des barbelés aux portes de l'Europe. Décidément, du Maroc à la Turquie, il est bien difficile d'entrer en Europe. Ainsi, cette semaine, dans la nuit de lundi à mardi, après des débats tendus, l'Union européenne a décidé d'ouvrir des négociations sur l'entrée de la Turquie en Europe. Pour ou contre l'entrée de la Turquie, sujet à débattre parce qu'évidemment, il y a encore des zones d'ombre, des zones sombres, comme Chypre ou le génocide arménien. Mais l'Union européenne gagnerait beaucoup d'un débat public qui, lui, ne se ferait pas la nuit. La Turquie fait peur à certains parce que ses habitants sont pour la plupart des musulmans. Étrange argument, les musulmans de France et des autres pays d'Europe mériteraient donc un autre statut. Les musulmans de France ont entamé mardi le ramadan, période de jeûne où il faut s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles du lever au coucher du soleil. La nuit devient donc le temps de la fête et même si les nuits rallongent, les premiers jours de jeûne sont toujours plutôt difficiles. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens. Le Le premier jour du Ramadan, mardi dernier, correspondait au nouvel an juif, Rosh Hashanah. Mais aussi, et ça n'a aucun rapport, à une journée d'action interprofessionnelle et unitaire. 1 million de manifestants dans toute la France, selon les syndicats, sur le mot d'ordre de défense des statuts et du pouvoir d'achat. Raffarin avait déclaré en son temps que la rue ne gouvernait pas. Comment allait réagir notre Premier ministre, Galouzeau de Villepin-du-Broching, face à sa première épreuve sociale ? Il a dû réfléchir toute la nuit avant d'aller jeudi soir voir Arlette Chabot sur France 2 dans sa nouvelle émission « À vous de juger ». À vous de juger. Bonsoir. On peut mener un combat et on peut le gagner tout en défendant notre modèle social et en le modernisant. Ce que je crains, c'est qu'en brutalisant le modèle français, on obtienne exactement l'effet inverse de ce que nous souhaitons. Les mécontentements, quand ils s'additionnent, quand ils ont sentiment de ne pas être compris, eh bien, ils créent de grandes frustrations, de grandes colères. Donc, c'est la réponse que je veux apporter à nos compatriotes, réponse du 4 octobre, réponse des incertitudes des derniers mois. Nous devons véritablement comprendre le message qu'ils nous adressent. À vous de juger. Bonsoir. À vous de juger. Depuis plusieurs années, le message des Français a du mal à passer le double vitrage des fenêtres de nos élites gouvernantes. Ce n'est pas faute de vouloir nous écouter, nous dit-on. Peut-être un problème de sonotone. Mais bon, de Raffarin à Villepin, la politique libérale du gouvernement ne change pas de cap. Il serait peut-être bon que l'opposition passe quelques nuits blanches pour mettre au point un contre-projet. Car Villepin dit avoir entendu le message, mais le message n'était sans doute pas adressé qu'à lui. Tout de même, c'est surprenant. Cette difficulté à comprendre le message, les mots sont pourtant assez clairs. Tous les mots que tu disais, je ne les comprenais pas. Tous les mots se ressemblaient, mais ça ne te ressemblait pas. Tous les mots se modifiaient, tous les mots se moquaient de moi. Tous les mots m'ensorcelaient, mais tous les mots ne comptaient pas. Tous les mots que j'attendais, je ne les retenais pas. Si tu les avais murmurés, j'aurais peut-être ouvert les bras. Et tous les mots se modifiaient, tous les mots se moquaient de moi. Tous les mots m'ensorcelaient, mais tous les mots ne comptaient pas. Tous les mots que j'attendais, les mots, c'est ce que chantent Michael Furnon et son Mickey 3D, groupe de Saint-Étienne, ville qui elle aussi a connu des nuits folles à la grande époque des Verts. Alors pour continuer notre exploration au cœur de la nuit, il est temps désormais de te raconter la plus belle nuit blanche de nos deux compères intersidéraux, Monique et Jean-Claude. Pour eux, l'expression « nuit blanche » reste à jamais associée à un souvenir très particulier à la naissance de leur fils Rémi. Nous sommes alors le 14 octobre 1991. Monique est enceinte et doit accoucher dans 15 jours. Ce soir-là, Jean-Claude dîne avec son frère Christophe et lui avoue quand même que la grossesse de sa femme, ça commence un peu à le gonfler. Hein. Déjà les petits anges sur le papier peint, je trouvais ça étrange. Je dis rien, elles me font marrer ces idées loufoques depuis qu'elle est en cloque. En effet, l'ami Jean-Claude est un peu sur les nerfs. Christophe, célibataire séducteur, tente alors de faire un lien entre cette nervosité du moment et la vie sexuelle de son frère, un peu en sourdine, en cette fin de grossesse. D'ailleurs, Christophe questionne Jean-Claude et lui demande s'il n'a pas été tenté ces dernières semaines de tromper Monique. Jean-Claude ne se démonte pas et répond à son jeune frère. Je ne suis jamais allé aux putes, car sans lever le petit doigt, elles sont toutes venues à moi. Je ne suis jamais allé aux putes, j'ai toujours eu le choix parmi toutes les femmes de mes amis. Quel déconneur le Jean-Claude, hein. Vers 23h, Jean-Claude rentre chez lui. Il devait faire le plein de la voiture, mais il a oublié sa carte bleue et son chéquier. Et déjà à l'époque, avec 50 balles en poche face aux pompistes, tu faisais pas le plein, tu faisais pitié. Jean-Claude préfère aller se coucher. Quand il entre dans son appartement, il trouve Monique dans le salon, effrayée. Elle a déjà perdu les os et a appelé les pompiers. Il va falloir filer à la maternité, mais Jean-Claude n'a plus d'essence dans sa bagnole. Il cherche alors à joindre ses deux beaux-frères. C'est la panique. Je sais pas, je comprends pas. Elle a perdu les os. Faut y aller, monsieur. Vraiment, faut y aller. Mais où il est, ce con ? Georges est pas là ! Dominique est pas là ! Pendant 9 mois, ils vont squatter la tête. Le jour où j'ai besoin d'eux, ils sont pas là ! Merde ! Merde ! Merde ! Un t-shirt. On va avancer. Oui. Allez-y. Faites attention, allez-y. Je réessaye. Allez-y. Ne vous inquiétez pas, on va y aller. Il est 00h30, finalement Jean-Claude grimpe dans l'ambulance avec sa femme. Il voit qu'elle souffre, les contractions sont violentes. Et c'est alors qu'il se souvient des exercices de respiration qu'ils sont allés suivre tous les deux le mardi soir au dispensaire. Dans l'ambulance, Jean-Claude tient fermement la main de Monique et l'encourage. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il est 1h du mat quand ils arrivent en trombe à la maternité. Ils tombent alors sur un interne obstétricien qui est de garde cette nuit-là. La folle course en ambulance a rendu Jean-Claude un peu malade. Il ne se sent pas très bien et préfère éviter d'aller en salle d'accouchement. Mais pour l'interne, il n'en est pas question. Moi, je peux pas. Aujourd'hui, on pas d'histoire, on a besoin de tout le monde là. Moi, j'y veux pas. Putain, vous allez pas commencer à me gonfler, hein. Aujourd'hui, c'est la pleine lune, tout le monde accouche en même temps. On a pas assez de sage-femme, pas assez d'infirmière. On a même pas assez de salle. Et le titulaire, putain, il est même pas là. Oh merde, hein. Vous suivez, sinon moi, je vous pète la gueule. Jean-Claude n'a plus le choix. Monique est alors allongée sur un brancard et tout le monde court derrière dans les couloirs de la maternité. De plus en plus fébrile, Jean-Claude se vautre et voit Monique disparaître derrière les portes battantes au bout du couloir. Dans un dernier souffle, en vrac par terre, la main tendue vers Monique, et Jean-Claude interpelle l'infirmière qui suivait le cortège. Je ne peux plus rien y faire. Je ne sais plus comment. Jean-Claude, le stress, ça le rend lyrique. Après sa chute, Jean-Claude erre dans cette clinique et n'a plus de nouvelles de Monique depuis bientôt 2h. Il est 3h du mat, il s'inquiète et personne n'est là pour le rassurer. Il tourne en rond, boit du café et surtout se mord les doigts d'avoir arrêté la clope. Pour se calmer, il sort prendre l'air quelques instants quand Georges, l'un de ses beaux-frères, arrive enfin. Il voit bien que Jean-Claude est à bout de nerfs. Georges n'hésite pas une seule seconde et lui tend la solution. Fume, fume, fume cette cigarette. Il est maintenant 3h30 du mat, alors que Jean-Claude a repris la clope au même moment au troisième étage. C'est le dénouement prématuré d'une attente de presque 9 mois. Respirado, good, good, respirado. Allez, on y va, let's go. Ok, si, si, venga, venga, venga. Si, si, si, si, si. C'est un boy. C'est un boy. Le fils de Monique et de Jean-Claude, Rémi Alphonse Robert, vient de naître. C'est bonheur. Monique est toujours en salle d'accouchement. On a coupé le cordon et on lui présente son fils Rémi. Elle est très heureuse, elle pleure et réagit à chaud. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait. Tel qu'il est, il me plaît. Bien entendu, l'infirmière est à présent à la recherche du père. Où est Jean-Claude ? Il faut lui annoncer qu'il est papa. Quand elle l'aperçoit, il est en train d'allumer une autre cigarette avec celle qu'il vient de terminer à l'instant. L'infirmière s'approche, Jean-Claude la voit, fébrile et nerveux, il lui demande immédiatement. Alors, elle sourit et lui répond. Il est né, le devine mon enfant, joue et transiste, reste n'est que cette. Il est né, le devine mon enfant, magnétoscopant cet événement. Jean-Claude est très ému, il embrasse Georges et demande à voir Monique. Et le Messie. Il est 4 heures, Jean-Claude arrive alors déguisé en sac poubelle vert tendre. Il est très heureux de retrouver sa femme saine et sauve en compagnie de leur fils. L'héritier, même un peu bancal, il est pas mal. Ils pleurent tous les deux, c'est une grosse nuit blanche. Monique est ensuite transférée dans une chambre, près de son lit, sous une couveuse. Elle veille sur son fils. Jean-Claude, lui, est épuisé. Il est sorti pour fumer une énième cigarette. Il regarde le ciel et réfléchit au monde qui l'entoure. Oui, il est tard. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Non, il n'a pas sommeil, Jean-Claude. Il réfléchit encore et se dit quand même que cette nuit n'a pas trop suggéré. Dans sa vie, il se sent parfois comme un môme. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and dream it like a man. Well, I guess they just don't understand. Yeah, some people try and dream it like a man. They think I know, but that's just it. I'm a child. Da-da. Well, I need you to help me reach the door. And I need you to walk me to the store. I Feel Like a Child, un titre un peu folk interprété par Devendra Banhart, jeune américain d'origine hispanique qui se sent comme un enfant et qui pourtant, j'en suis sûr, n'est pas le dernier pour s'embarquer dans une nuit blanche. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre voyage au bout de la nuit. De l'homme sur la lune à la dernière nuit blanche de Christian Ranucci, de la nuit festive à la naissance de Rémi, nous avons dressé un panorama de tes nuits blanches. La nuit, qui fut longtemps le domaine des ténèbres, fait aujourd'hui beaucoup moins peur. La nuit est devenue le moment privilégié de la fête, mais attention, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et oui, pour beaucoup, la nuit est synonyme de travail. Du boulanger à l'infirmière de garde, du chauffeur de taxi au veilleur de nuit, après le coucher du soleil, nombreux sont ceux qui commencent à bosser. Drôle de nuit blanche. Enfin, tant que c'est un choix, pourquoi pas ? Mais quand le travail de nuit est imposé sous prétexte de flexibilité et de rentabilisation de l'outil de production, pour les travailleurs, la nuit devient longue, très longue. La nuit, je deviens fou. Je deviens fou. Enfin, pour élargir notre réflexion sur la nuit, nous pouvons nous arrêter quelques instants sur un phénomène très étrange quand la nuit envahit l'esprit, autrement dit l'obscurantisme. Au milieu de l'été, des déclarations inquiétantes de président Bush ont fait naître une polémique qui se poursuit aujourd'hui. W a remis en cause la théorie darwinienne de l'évolution. Traduction, c'est l'ensemble d'une droite réactionnaire chrétienne, celle qui a déjà obtenu que Darwin ne soit plus enseigné dans certains États, qui jubilent. Pour eux, l'homme tel qu'il est aujourd'hui existe depuis la nuit des temps. Ils lisent la Bible au premier degré, alors du coup, c'est la Terre en six jours, les dinosaures n'ont pas existé puisque la Bible n'en parle pas, et une pomme avalée de travers explique tous les malheurs du monde. Même l'Église catholique, lors du Concile de Vatican II, est sortie de la nuit et a admis la théorie de l'évolution. Ce qui est bien avec président Bush, c'est qu'il ne cache pas son obscurantisme à la con. Voilà, fin du cinquième épisode, c'était « C'est quoi tes nuits blanches ?» revu à travers le prisme de notre vaisseau spatio-temporel. L'équipage, composé d'une bande de furieux, espère que tu as fait bon voyage et t'attend dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure intergalactique. Voilà, c'était Panique au Mangin Palace, ce Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, alias Luke Skywalker, un auteur Jedi sans qui cette émission ne serait pas la même. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait Maître Yoda, alias H2M, le génial Henri Marc Mutel. Merci Marco, assisté de Michel Bertin et d'Alain Gadan. Gadon, oui, merci à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Kaldi, alias Princesse Leïa. Pour les disques laser, on a Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Voilà, merci aussi à Maud Lobnitz et Hervé Evano, documentaliste à Lina Mangin. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission qui s'intitule Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez pas.